Un parc relais est un espace de stationnement situé en dehors d'une ville pour que les automobilistes accèdent au centre-ville en transport en commun, métro, tram ou bus. La plupart des parcs relais sont très peu chers. Coût de stationnement bon marché, facilité d'accès au centre-ville, embouteillage évité, pollution réduite, autant d'avantages qu'offrent ces parcs relais. Réponse A et C.